97, yon, 2, 3, 4, 6, 4, 6, 5, K-Works, yeah. Toi-même, tu sais, on est prêt, on est paré pour la bataille. On est armé jusqu'aux dents. Chant de bataille. Style. Toulouse. Maximum de respect pour Ghost Fella. Ok. Blah. 1, 2, 1, 2, ici qui rock. J'annonce la couleur d'un album paradoxe. Sale, c'est la voix du sud sale. Pas de carrière ou de CC dans le garage. Si c'est tendu, on reste inattendu. Si c'est perdu, entendu, je reste cru. Un gros dalle brutal et cérébral célèbre l'arrivée du maître cérémonial. Je m'envoie les couilles des titulaires sur le banc touche. Si je titube, c'est pas pour faire des petites thunes. Tu fais des tuyaux, manière de faire des tubes. Je suis pas dans la plomberie, retourne aux études. Regroupez-vous que je fasse un strike. T'es de Toulouse, prends le mic. Désolé de vous mettre à la main. Flow parfumé à la plante, pas la sauce blanche. Y'a une odeur de sensation qui plane dans l'atmosphère. Si tu restes gentil, les vampires en sont fiers. Ils ont beaucoup tout fait, voilà ce qui m'exaspère. Après ces temps on ne veut pas lâcher l'affaire. Y'a une odeur de tension qui plane dans l'atmosphère. Si tu restes gentil, les vampires en sont fiers. Ils ont beaucoup tout fait, voilà ce qui m'exaspère. Après ces temps on ne veut pas lâcher l'affaire. J'concocte un cocktail Molotov. Déploie mes ailes pour le trophée. Dis pas que j'en ai trop fait. Profite d'une faille sur vos rails. J'suis pas venu stiffer nos stress. J'pèse mes mots sur la balance de la justice. Et les éclats sur les balances qui nous reniflent. Un tic-tac dans les bacs, j'te rafraîchis la laine. Explose avec un cesse. J'concrétise, j'conthétise les cons critiques. Mais sont bon qu'à tisser des tissus pour attiser les flammes de la haine. J'vais rajouter ma dose de vodka. La punchline logée dans le parier. Dans mes yeux t'as vu la flamme briller. Je déambule sur le beat avec une mine antipersonnelle. Bienvenue sur mon champ de bataille. Y'a une odeur de tension qui plane dans l'atmosphère. Si tu restes gentil les vampires en sont fiers. Ils ont beaucoup tout fait, voilà ce qui m'exaspère. Après ces temps on ne veut pas lâcher l'affaire. Y'a une odeur de tension qui plane dans l'atmosphère. Si tu restes gentil les vampires en sont fiers. Ils ont beaucoup tout fait, voilà ce qui m'exaspère. Après ces temps on ne veut pas lâcher l'affaire. Tu veux vivre de tabac et vodka fraîche. L'arrière de la caille et du pack de bière. Touche pas l'inspi sans toucher au spliff. L'écriture marginale et du rap au Dancy. Authentique, autant dire, tous perpétue. Le terre-terre tue, à la longue on est perdu. Amigo a fait tourner le con et les connus. Attirer les gosses, c'est de la com. Moi j'ai du seum, envoie la somme. Le tir est tendu, le flow attendu. Drive-by dans le Clio. Ballon plomb sur la cible attendue. Ambiance tendue, toi sur la gâchette pour une vengeance crue. Le missile part de Toulouse, il vise le sud. KX gravé en or pour exploser. Coupe le fil rouge, déjà les couilles, l'album te pète sous le nez. Dans l'aime, juste mon nez. Y'a une odeur de tension qui plane dans l'atmosphère. Si tu restes gentil, les vampires en sont fiers. Ils ont beaucoup tout fait, voilà ce qui m'exaspère. Après ces temps on ne veut pas lâcher l'affaire. Y'a une odeur de tension qui plane dans l'atmosphère. Si tu restes gentil, les vampires en sont fiers. Ils ont beaucoup tout fait, voilà ce qui m'exaspère. Après ces temps on ne veut pas lâcher l'affaire. Y'a une odeur de tension qui plane dans l'atmosphère. Si tu restes gentil, les vampires en sont fiers. Ils ont beaucoup tout fait, voilà ce qui m'exaspère. Après ces temps on ne veut pas lâcher l'affaire. Y'a une odeur de tension qui plane dans l'atmosphère. Si tu restes gentil, les vampires en sont fiers. Ils ont beaucoup tout fait, voilà ce qui m'exaspère. Après ces temps on ne veut pas lâcher l'affaire.